Cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-allama al-shaykh Abdurrahman ibn Nasir al-Si'di rahimahullahu ta'ala wa min asbab al-iman wa dawa'i. La cinquième cause. Toujours les causes pour augmenter sa foi. At-tafakkur fil kawm. في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات. La cinquième cause donc التفكر في الكون. Méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les cieux, la terre, les étoiles, les océans, les animaux. كذلك النظر في نفسك. Si tu médites sur ton propre corps, ton propre être, tu verras que فيه آيات عظيمة دسين كيف مونتي لا فوا. قال الله عز وجل في القرآن الكريم on peut citer certains versets qui prouvent ce que الشيخ سعدي رحمه الله il a cité هنا. قوله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dans la création des cieux et de la terre. وهكذا اختلاف الليل والنهار. C'est une آية عظيمة. Tous les jours, le soleil se couche et la nuit, elle vient après le jour. Jamais eu un retard, un manquement. Abadan. Alladhi yata'ammal fi hadha al-khalq al-'azim, les cieux, la terre, le jour, la nuit, le froid, le chaud, etc. Toutes ces ayats, ça montre anna alladhi khalaqa hadhihi al-makhluqat, c'est un khaliq 'azim. Et هذا ça fait monter l'iman. لكن لأولي الألباب. قال عز وجل لآيات لأولي الألباب. C'est des signes pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui raisonnent, pour ceux dont le cœur il est prêt à méditer. Mais si le cœur il est occupé par autre chose, on doit tous se poser les questions. Cette question, ça fait combien de temps qu'on n'a pas médité sur l'ayat al-kawniyya? Sans parler de l'ayat al-shar'iyya, c'était les douloureux précédents. Méditer sur des versets du Coran, se poser la question pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé ce verset. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il a dit telle chose. Pourquoi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait telle chose. Et akada, tu médites et ça te fait monter la foi et bien sûr tu trouves les réponses. Wa akada al-ayat al-kawniyya. Tu regardes le soleil, tu vois tous les jours, la nuit, le jour, tu vois certains animaux, ben toi-même. Pourquoi on a du mal à méditer, ya ikhwan? Pour méditer, il faut de la place. De la place où? Dans ton cœur. Ton cœur, c'est un organe qui travaille sans cesse. Enfin, imma, il va être occupé par al-khayr, le Coran, al-sunna, etc. Et bien sûr, ce cœur, il est fondé sur le fitra, etc. Enfin, il aura de la facilité à méditer. Que ce soit l'ayat al-shar'iyya, concernant la révélation, ou al-kawniyya, ou la création. Quand ce cœur devient malade, encore plus, iyadan billah, le cœur des kuffars qui est mort, il n'y a plus de place pour réfléchir. Qu'est-ce qu'ils disent les kuffars par rapport au ayat al-kawniyya? La révélation, ils disent c'est un mensonge, vous avez inventé. Ils ont accusé Nabi sallallahu alayhi wa sallam de sahir, de poète, de fou, etc. Akhzahumullah. Concernant l'ayat al-kawniyya, qu'est-ce qu'ils disent? Léna, tu ne peux pas renier certains animaux, certains paysages. Ils disent de tout cela, c'est la nature. C'est la nature. Ce mot qui veut rien dire. La nature, al-haqiqa, c'est quoi? C'est al-makhluqat, c'est la nature, oui. Mahoum, vous avez remarqué, on a déjà détaillé dans le livre al-Barahin al-Aqliya de Sheikh Sa'di, lui-même l'auteur. C'est nasa'ih, ses conseils, ses points importants. Pour montrer aux athées que Allah il existe et c'est le créateur et on doit l'adorer. Taqaddam ma'ana, kadhalik on avait lu un kalam jamil de l'imam Ibn Qayyim rahmatullah alayhi qu'on a propagé. Annahum, ils appellent la nature, ahyanan, ils parlent de la nature et les créatures. Et ça c'est vrai, si on appelle toutes ces créatures la nature, enfin Allah il a créé cette nature. Et cette nature c'est les arbres, c'est les océans, c'est les animaux. Il n'y a aucun problème. Et ahyanan, Et ça, c'est agib. Tu les entends parler et pour eux, la nature, c'est cette nature qui fait cette chose. Enfin, cette créature, et c'est leur aqida, cette créature, elle est venue toute seule, elle fait les choses toute seule. Pourquoi? Les annahum dans leur cœur, ils ont al-ilhad. La yu'minun. Ils ne croient pas. Et tu trouves بعض المسلمين تأثروا بهذا. Ils voient des choses, il a akhiré, que ce soit des animaux, des paysages. Et tu trouves بعض المسلمين, ils ont les mêmes mots que les kuffars. La nature, elle est belle, la nature, elle fait bien les choses. Na'oudou billah. Quand on voit ces choses, nous, en tant que mu'min, on doit dire Subhanallah. On doit dire Allahu Akbar. On doit dire La hawla wa la quwwata illa billah. On sait que c'est Allah qui gère tout. La hawla wa la quwwata li hadhihi al-makhluqat kulliha. Toutes ces créatures, elles se rassembleraient toutes. Les animaux, les djinns, les humains, samawat, al-ard, etc. Tout le monde se rassemblerait pour faire quelque chose. Ils ne pourront pas que si Allah y veut. Ça nous montre al-marad qu'il y a dans certains cœurs. Al-mu'min, il doit faire des efforts. Bel fi nafsi, comme a dit le shir, Sa'di, قال Allah Azza wa Jal, wa fil ardi ayatun lil muqinin. وفي الأرض آيات للموقنين. Sur la terre, il y a des signes pour le موقنين. Pas pour n'importe qui. Pour ceux qui ont al-yaqin. Ils n'ont aucun doute. Il y a beaucoup de signes. قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Bel en toi-même, في نفسك. Il y a des signes. قال عز وجل أفلا تبصرون. Est-ce que vous ne voyez pas? On voit avec les yeux, lakin on a un problème avec le cœur. وإلا تتخو بعض الناس. Ils sont très très impressionnés par le corps humain. Et si on revient au même exemple que la nature, les koufars, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pour eux, c'est la nature. Le système nerveux, tout ce qui est lié au cœur, tout ce qui est lié aux nerfs, tout ce qui est lié au sang, tout ce qui est lié à la ruh, l'âme, etc. Enfin, les koufars, pour eux, madri, comment ils réfléchissent? Bardoum, ils disent c'est la nature, bardoum. Alors que pour un appareil, un téléphone, un ordinateur, une voiture, un avion, il n'accepterait jamais de dire que cette chose, elle s'est faite toute seule. L'imam, ça contredit la raison. Cette voiture qui a une durée de vie de 10 ans, 15 ans, en général, une voiture au bout de 20, 30 ans, c'est la casse. Ce corps humain, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné une durée de vie. À notre époque, à peu près 80, 90, 60, 70, al-muhim. Et avec toutes ces ajaib, le sang, le système nerveux. On a donné l'exemple de l'être humain. Al-Shams, ça fait Allahu alam combien de milliers d'années qu'elle fait ce parcours, tous les jours. Depuis la création des cieux et de la terre et du soleil jusqu'à aujourd'hui. Et le soleil fait toujours le même parcours. C'est une ayah azim. Le corps humain, pour revenir au corps humain. Je trouve بعض الأطباء, ils reconnaissent tout cela, ils reconnaissent هذه العجائب. Certains, ils se sont convertis, ولله الحمد, et d'autres, ils sont في عناد. Pourquoi? لأن le cœur, il est malade. Ils voient avec leurs yeux. Ils ont des connaissances concernant le cerveau, concernant beaucoup de choses, et ils savent. Ils savent que c'est impressionnant. لكن الله سبحانه وتعالى, il ne les a pas guidés. En tant que mu'min, on doit ressentir que notre foi, elle monte. Et pour que notre foi, elle monte, on doit reconnaître que c'est Allah سبحانه وتعالى, le créateur. ولا نتأثر بالكفار. La nature, elle fait bien les choses. هذا الكلام, c'est très très grave. La nature, elle fait rien du tout. Celui qui fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui le dit, alors que c'est un mu'min, il sait très bien que c'est Allah qui fait. Lequel, le fait de le dire, c'est très très grave. Mais celui qui le pense, ça contredit l'iman complètement. Le fait de dire que c'est la nature qui fait les choses, qui fait bien les choses, ça veut dire qu'il y a un autre créateur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, wa illa fa celui qui fait, qui crée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, wahda. Wa qala azza wa jal, dans un autre verset, il a cité les deux ayat, les cieux, la terre, etc. Et le corps humain. Qala sanurihim ayatina fil afaq, wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire voir aux gens des signes. Les cieux, la terre, le ciel, les étoiles, etc. Et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils s'apercevront que c'est la vérité. Lakin, celui qui mettra en application cette vérité et qui acceptera la foi, c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé. قال الشيخ سعدي رحمه الله فإن ذلك داع قوي للإيمان. Ça c'est une énorme cause pour faire monter la foi. التفكر في الخلق وفي نفسك. Méditer sur la création d'Allah سبحانه وتعالى et sur toi-même. قال لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته. صحيح, certains animaux, tu vois la force qu'ils ont, tu vois la taille, etc. Enfin, ça montre quelque chose de azim, et ça montre que celui qui a créé هذا المخلوق c'est العظيم سبحانه et c'est l'akbar. وهكذا les océans, هكذا le soleil. قال وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب. وما فيها من الحسن, tu vois la beauté de certains paysages, de certains animaux, والانتظام والإحكام, tout est réglé. Tu vois, Matalan, tout ce qui concerne le système solaire, tout est à sa place, tout est réglé. Intizam wa ihkam. Ça peut venir que de Khaliq as-samawati wal ard. Je trouve un بعض al-kuffar, ils sont très très étonnés par la technologie concernant les montres, Matalan. Elle a cette montre, elle est réglée, elle peut durer des années, elle n'a aucune seconde de retard, il a akhri. Et يتعجبون بهذا. Ils ont oublié que au-dessus de leur tête, tous les jours, depuis des milliers d'années, le soleil, il fait le même parcours, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest, et tu peux faire des vérifications, il n'y a jamais une seconde de retard. Lakin, qui c'est qui va réfléchir sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, c'est al-muqinin comme a dit Azza wa Jalla. Wa fil ardi ayat للموقنين. Pour ceux qui ont la certitude. قال الدال على سعة علم الله والشمول حكمته وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. Tout ça, ça fait monter l'iman. المؤمن, il a encore plus de certitude dans Allah subhanahu wa ta'ala. Il est capable de tout. Il sait tout. Chaque chose, il y a une hikmah. قال الدال على سعة رحمة الله ووجود ووجوده وبره وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره. Et toutes ces ni'am, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les animaux, l'eau, la pluie, la nourriture, toutes ces ni'am qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala c'est arhamu ar-rahim. Même ses ennemis qui se moquent de ce messager, qui l'insultent, subhanahu wa ta'ala, et tous les jours, il leur donne l'oxygène, à boire, à manger, etc. Et c'est lui qui les a créés. Bah, en tant que mu'min, on ne doit pas oublier hadha al-ihsan. Al-jaza'u al-ihsan, illa al-ihsan. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui t'a donné. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui t'a facilité. C'est Allah, azza wa jalla, qui t'a guidé. Un être humain, walaw, il fait une chose minime, min al-ikram, al-aqil, فضلا عن المؤمن الشاكر نوبلي با الخير لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Peut-être qu'il t'a rendu un service, c'était pas quelque chose de d'immense, lakin le geste tu ne l'oublies pas. Fa n'oublie pas que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé, khalaqak fa sawwak كذلك hadak. Tout ce que tu as, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donné. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Enfin, avec cette réflexion et cette méditation, ton iman y montera, et si ton iman y monte, ça va te pousser à être reconnaissant. فَلِهَذَا قَالْ وَذَلِكَ كُلُّهُ يَدْعُوا إِلَى تَعْظِيمُ مُبْدِعِهَا تَعْظِيمُ مُبْدِعِهَا et خَالِقِهَا. Tu vas donner de l'importance à ton créateur, عَزَّ وَجَلْ وَبَارِئِهَا وَشُكْرِ. Et cette importance, elle va se traduire dans plusieurs choses, et parmi ces choses, la reconnaissance. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas détester les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas aimer les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas chercher à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. À connaître son messager alayhi salatu wa salam. قال واللهج بذكره وإخلاص الدين له وهذا هو روح الإيمان والسر. Donc vous avez remarqué que cette méditation, elle va être la cause de l'augmentation de la foi. Et l'augmentation de la foi, ça va impliquer quoi? Al-amal, des actes. الذكر et الدعوة et طلب العلم et الصلاة et الصيام etc. toutes les عبادات. قال وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه وأنها لا تستغني عنه طرفة عين خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار. Et ça, c'est une ayah azima. Ahyanan, tu tombes malade. Une illa dans ton corps pour une cause parmi les causes. Et ça t'affaiblit jiddan. Hatta ahyanan, tu ne peux plus te lever. Si tu réfléchis via hadha al-hal et tu médites, en Allah Azza wa Jalla, il t'avait donné la bonne santé, tu étais capable de faire certaines choses. Comment il t'a éprouvé avec cette maladie? Tu ne peux plus faire beaucoup de ces choses que tu faisais. Via hadha al-hal, ça doit te faire monter al-iman. Et tu dois reconnaître annaka tu es un abd da'if. Kadalik, ça doit nous pousser à ne pas être injuste, à ne pas prendre les autres de haut, à ne pas être orgueilleux. Limala li anna, on est faible. قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. C'est Allah الغني, c'est Allah الحميد. لا تأخذه سنة ولا نوم. نحن أحيانا tu vas faire certaines choses tellement que tu es fatigué, tu t'endors, tu ne sais même pas comment tu t'es endormi, etc. Tu te réveilles, Rabbama, tu es dans une position, dans un endroit que tu ne comptais même pas dormir ici à cause de nos faiblesses. Allah subhanahu wa ta'ala, il dort pas. Il ne connaît pas la fatigue. Il voit tout, il entend tout. Il est capable de tout. Sur nos faiblesses, ça va nous pousser à placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Pas comme certains ils appellent à tu dois placer ta confiance en toi, tu dois pour encourager. Vous avez déjà entendu mettre le hadal kalam. Hada kadalik, c'est grave. Hada kadalik, c'est grave si c'est pas fondé sur l'iman billah. Al-mu'min, il dit, tu dois, s'il veut conseiller son frère, place ta confiance en Allah. Maintenant, pourquoi tu veux placer ta confiance en toi-même? Tu es faible, tu n'es capable de rien. Enfin, al-mu'min, il pousse les autres à yatamidu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Falihada ja fi al-hadith wa la takilna ila anfusina tarfata'i. C'est pour ça que le mu'min, min ad'iyaihi, en suivant le prophète, il demande que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne le laisse pas seul un instant. Voilà le temps d'un clin d'œil. Et c'est pour montrer un court instant. On doit s'habituer à, au contraire, on reconnaît nos faiblesses. On est capable de rien, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Fala hawla wa la quwwata illa bihi jalla wa ala. On se conseille, on apprend nos enfants à la hadhihi tarbiya. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala il t'abandonne walou un court instant, tahlek. Ça va pousser ce mu'min à faire des efforts pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, espérer d'Allah subhanahu wa ta'ala, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et bi idnillah, il avancera. Qala wa dhalika yujibu lil 'abd kamal al khudu' wa kathrat al du'a wa al tadarru' ila Allah fi jalb ma yahtajuhu min manafi' dinihi wa dunyahi wa daf' ma yadhurruhu fi dinihi wa dunyahi wa yujibu lahu al quwwah وهو يوجب له قوة التوكل على ربه وكمل الثقة بوعده وشدة الطمع في بره وإحسانه. هذا qu'on vient de dire. Ça va pousser المؤمن en reconnaissant ses faiblesses à reconnaître son statut, أنه c'est un être humain très faible. En même temps, reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de tout. Donc ça va pousser ce abd à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, espérer que Allah il ne le délaisse jamais. Et tout ça بإذن الله عز وجل سوف يفاسيليتي. قال وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى التعبد فإن الدعاء مخ العبادة وخالصها. بهذا يقوى التعبد. Avec cette عقيدة المؤمن il aura beaucoup plus de facilité à adorer Allah عز وجل. Vous avez remarqué que أحيانا quand tu es touché par une مصيبة, tu es touché par quelque chose, maintenant la perte d'un proche et tu es triste et tu ressens cette force de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tu es dans une situation difficile, ou tu es touché par une épreuve. Tu sais très bien que personne dans ce cas ne peut t'aider, enfin tu reviens à Allah. Azza wa jalla, lakin ahyanan al-ghafla. Quand l'insan a la bonne santé, il a l'argent, il est attiré par dunya. Ahyanan hakada, il s'oublie, il tombe dans l'insouciance. Son cœur, il durcit, et il oublie de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement qu'ils sont tombés dans l'insouciance, même au salat, As-salat, c'est un énorme rappel. C'est pour ça que Allah il a légiféré 5 fois par jour. Hatta tu tombes pas dans l'insouciance. Le matin, quand tu te lèves au fajr, thumma al-dhuhr, le milieu de la journée, thumma al-asr, l'après-midi, thumma au coucher du soleil, thumma la nuit avant de dormir. 5 fois. Et bien sûr, des nawafil pour celui qui veut les mettre en application. Ah, tout ça pour pas tomber dans هذه الغفلة. Ça nous montre quoi? Ça nous montre أن من أعظم أسباب تقوية الإيمان, c'est de ne pas tomber dans l'insouciance. Et pour ne pas tomber dans l'insouciance, il faut méditer sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit la révélation, Al-Qur'an ou Sunnah, comme on l'a vu précédemment, ou le cours d'aujourd'hui, méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وكذلك التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين فإن هذا يدعو إلى الإيمان تقدم معنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Si tu viens à compter les bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى, tu n'arriveras pas à les compter à peine. وما بكم من نعمة فمن الله. Chaque instant, tu es dans une ni'ma. Le fait d'être vivant, respirer, c'est une ni'ma min ni'amillah. Qui c'est qui t'a donné cette vie? Qui c'est qui t'a donné cet oxygène? Bardanas, ils sont morts. Bardanas, ils n'arrivent pas à respirer. Bardanas, ils sont dans une situation critique à l'hôpital. Tu es dans une ni'ma à chaque instant. Même si tu es malade à l'hôpital, etc., tu es dans une ni'ma parmi les ni'ma d'Allah. Si tu patientes et tu sais que c'est Allah qui a décrété hada et tu espères le bien, tu es dans une ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait que alléger tes péchés et t'élever en degré. Fal mu'min, il est dans une ni'ma à chaque instant. Celui qui réfléchit à hakada, ça va l'aider pour repousser la tristesse, les épreuves, les problèmes. Tu es dans une ni'ma. Tu es éprouvé al-an. Ils ont des épreuves beaucoup plus que toi. Et ton épreuve, c'est par rapport à ta foi et c'est une ni'ma. Pourquoi se plaindre? Alhamdulillah, celui qui est en bonne santé, tu es en bonne santé. Qabla dalik, si tu as la foi, pourquoi te plaindre? Ça arrive, on est des êtres humains. Hiyanan, tu as un moment de faiblesse, tu es touché par quelque chose, ça provoque de la colère. Il a relakin, al-mu'min, vu que c'est un être humain, certaines choses, elles vont arriver, de la tristesse, de la colère. Lakin, on ne laisse pas hada nous détruire de l'intérieur. Tu m'as tombé dans l'insouciance, et bardanas, ça les pousse à quoi? À al-juhoud. Ils sont touchés par des épreuves et ils disent des choses. Pourquoi? Parce qu'ils les pensent. Qu'annahum, ils n'ont jamais connu le bonheur. Annahum, ils sont abandonnés min hadha al-kalam. Na'oudou billah. Al-mu'min, il doit reconnaître fadlullah alayh. Et fadlullah alayna, il est azim. C'est notre créateur, c'est lui qui nous a guidés, c'est lui qui nous donne. On ne doit pas faire partie de al-kafara alladhina kafaru wa jahadu ni'matallah. قال فإن هذا يدعو إلى الإيمان. أي نعم, celui qui te donne, ça doit te pousser à l'aimer encore plus. Et al-mahabba, c'est la base de l'iman, c'est la base de la foi, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le répète, un si wahid, il te donnerait quelque chose, un peu d'argent ou là une autre chose, min umur ad-dunya, ou un service, ou il te dit, te fait un compliment, tu vas reconnaître هذا الخير لهذا الانسان. Tu vas reconnaître son bien. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a donné tout. Tous les autres, ils font que des causes. Amma an-ni'ma c'est min Allah, azza wa jal. قال ولهذا دعا الله الرسل والمؤمنين الى شكره فقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné d'Allah, al-Rusul wa al-Mu'minin, les messagers et les croyants d'être reconnaissants. Pourquoi? Qala, ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibat ma razaqnakum. Et mangez de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné, min al-tayyibat, parmi les bonnes choses, et soyez reconnaissants. Ça nous montre que par rapport aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit avoir la reconnaissance. Et si tu es reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il te rajoutera. Si tu n'es pas reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra te priver de certains de ses bienfaits. Wa itta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adhabi la shadid. Hakada qala 'azza wa jalla. Si vous êtes reconnaissant, Allah il nous rajoutera. Si vous n'êtes pas reconnaissant, takfuruna an-ni'ma, enfin, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est très douloureux. Ça nous montre que tu n'as pas le choix. Celui qui est reconnaissant, enfin la reconnaissance, c'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera récompensé, Allah il lui rajoutera. Celui qui n'est pas reconnaissant, Allah il le châtiera. قال فالإيمان يدعو إلى الشكر والشكر ينمو به الإيمان فكل منهما ملازم وملزوم للآخر هذا كلام جميل فالإيمان يدعو إلى الشكر pourquoi parce que Allah عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا il a qualifié هؤلاء de إيمان avec l'إيمان de croyant قال واشكروا لله ça montre أن من صفات المؤمنين الشكر parmi les caractéristiques caractéristique du croyant, non, il est reconnaissant. Yashkurullah. Qala wa shukr yanmu bihi al-iman. Kadhalik, avec la reconnaissance, tu vas faire augmenter ta foi. Ta'ammal anna le croyant, parmi ses caractéristiques, la reconnaissance, et la reconnaissance, c'est une cause pour faire monter cette foi du croyant. Falihadha qala fa kullun minhumma mulazim wa malzum lil-akhar. Les deux sont liés, la foi et la reconnaissance. Celui qui a la foi, il doit être reconnaissant. Et celui qui est reconnaissant, ça va faire monter sa foi. فَهَذَا السَّبَبُ الْخَامِسِ ثُمَّ قَالَ السَّادِسِ La sixième cause. وَمِنْ أَسْبَابْ دَوَاعِ الْإِيمَانِ Parmi les causes pour augmenter la foi. قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ كَذَا فِي الْأَصْلِ وَمِنْ أَسْبَابْ دَوَاعِ الْإِيمَانِ نعم, la jumla, elle n'est pas claire. فَلِهَذَا il a corrigé في الحاشية قال والصواب ومن أسباب الإيمان ودواعيه نعم ومن أسباب الإيمان ودواعيه هكذا الجملة قال الإكثار من ذكر الله كل وقت ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة parmi les causes pour que la foi elle augmente ذكر الله vous avez remarqué que c'est lié au point suivant c'est pour ça qu'il l'a cité après ذكر الله c'est le fait de se rappeler d'Allah évoquer Allah عز وجل citer Allah subhanahu wa ta'ala dire subhanallah, dire alhamdulillah, dire Allahu Akbar, réciter le Coran, etc. Tout ça, c'est du dhikr. Le cœur vivant qui médite. Là, je sais que ça va être un cœur kadalik qui va se rappeler d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Bel, bi at-tadabbur wa at-ta'ammul fi l'ayat al-shar'iyya wa al-kawniyya, tu feras du dhikr. Ahyanan, tu vas réciter un verset, le fait de le réciter, c'est du dhikr, et ce verset va te pousser à faire du dhikr. Tu vas dire Alhamdulillah, tu vas dire Subhanallah. Wa hakada en regardant, en méditant sur les ayat al-kawniya, ayat al-khalq, la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, ahyanan tu vas avoir une chose et ça va te pousser à faire du dhikr. Al-dhikr wa al-iktharu minhu, faire beaucoup de dhikr. Plus l'insan il fait du dhikr, plus ça montre que son cœur il est vivant. Plus il fait du dhikr, plus ça montre qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna, le fait de citer une chose, beaucoup, c'est que tu aimes cette chose. Enfin, celui qui cite Allah énormément, c'est qu'il aime Allah. Tu trouves maintenant, les gens, ils aiment beaucoup leurs enfants, ils aiment beaucoup telle personne, ils aiment beaucoup une chose, une science ou un sport, ou madri, parmi les choses que les gens, ils aiment. Et tu les trouves, ils citent beaucoup cette chose. Tu trouves un autre qui n'a pas cette passion, il ne cite jamais cette chose. L'humadal, il n'est pas attiré par cette chose. فالإكثار من شيء ça montre que tu aimes هذا الشيء. فالمؤمن il aime Allah. فبار rapport à son amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fera du dhikr. بين مكثر ومقل. Certains ils font énormément et d'autres ils font beaucoup moins par rapport à l'iman. فعلى كل حال الذكر c'est من أسباب تقوية الإيمان. قال ومن الدعاء كذلك الذكر والدعاء كذلك demander à Allah subhanahu wa ta'ala الذي هو مخ العبادة الحديث الذي جاء فيه أن الدعاء مخ العبادة il est ضعيف مر معنا dans plusieurs دروس notamment dans الأصول الثلاثة الإمام محمد بن عبد الوهاب الله سيتي رحمه الله dans sa رسالة الحديث il est ضعيف والحديث الصحيح c'est الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة قال فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب هذا الذكر الذي يلهج بذكر الله عز وجل صباحا ومساء وفي أحواله كلها plus il fait du dhikr plus ça montre que il a l'arbre de la foi dans le cœur En faisant du dhikr, c'est comme si tu plantais une graine dans ton cœur. Thumma, avec al-ikthar min, et en adorant Allah subhanahu wa ta'ala et avec la sincérité, tu auras cet arbre dans ton cœur. L'arbre de la foi. Qala, wa kullama. Oh. فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها. Donc planter cette graine et كذلك l'arroser, en prendre soin, tout ça c'est بذكر الله عز وجل. Et تقدم معنا la comparaison de la foi avec l'arbre au début du livre. قال وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه. Plus l'insan y fait du dhikr, plus sa foi elle augmente. قال كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر فمن أحب الله أكثر من ذكره الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر. La foi, elle te pousse, elle t'appelle à faire beaucoup de dhikr. Donc plus l'insan il a la foi, plus il fera beaucoup de dhikr. فمن أحب الله أكثر من ذكره. Celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, il fera beaucoup de dhikr. لماذا؟ لأنه il aime Allah عز وجل. Par rapport à هذه المحبة, il fera du dhikr. قال ومحبة الله قال ومحبة الله هي الإيمان بل هو روحه اي لا محبة الله سبحانه وتعالى سي الإيمان بل سي روح الإيمان لام دو لا فوا لا باز دو لا فوا سي لامور دو الله سبحانه وتعالى دونك سي لي دونك سي tu fais beaucoup de dhikr c'est que tu aimes الله سبحانه وتعالى plus tu fais du dhikr plus tu aimes الله سبحانه وتعالى plus ta foi elle augmentera مع ان الذكر c'est min asal l'amal. On est tous d'accord. Anna, le dhikr, faire du dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parmi les œuvres les plus simples. Pourquoi? Parce que harakatu al-lisan, c'est la haraka la plus simple. Tu vois des adorations qui demandent une certaine capacité physique, un déplacement du temps, shaymin al-ta'b, matalan, faire le hajj, faire le hijra, ça demande énormément de sacrifices, un déplacement, énormément de patience, etc. Amma dhikr, où que tu sois, tu peux faire du dhikr. La question qu'on se pose, c'est pourquoi on a des faiblesses malgré que c'est très simple. Tu trouves, pardonnez, ils sont passionnés par certains sports. Maintenant, certains sports où il faut porter des charges lourdes. Maintenant, c'est en général, ceux qui exagèrent, c'est une perte de temps et ça les pousse à de l'orgueil, à certaines choses mauvaises. Ils font énormément de sacrifices et tellement qu'ils aiment ce sport, maintenant la musculation, ils trouvent du plaisir à porter ces charges lourdes. Alors que c'est mashaqqa wa ta'ab. Pourquoi le fait de dire maintenant Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbul kalam illallah, les meilleures paroles indallah, ces quatre paroles. Pourquoi rien quand on sort, madalane, tu sors de chez toi pour aller au masjid, des fois on dit rien, ou rien tu fais tes courses, ou tu es chez toi, tu regardes par la fenêtre, ou muhim, les situations anodines de tous les jours, pourquoi on oublie? C'est pas parce qu'on n'aime pas, là le croyant il aime dhikr, mais pourquoi on n'y pense même pas? C'est exactement comme ce qu'on a cité dans la méditation. C'est que le cœur, il n'est pas prêt. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut, lakin il faut faire les causes. Celui qui est baigné dans l'ilm, et il fait des efforts pour mettre en application, ça va lui rappeler beaucoup de choses. Anna, dans tel moment, il faut dire tel dhikr, dire cette parole. Matalan dire la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un kunz min kunuz al-jannah, c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Ça va l'aider à se rappeler à faire du dhikr. Amma celui qui occupe son cœur par autre chose, tu trouves ahyanan al-muslim, il est assis. Matalan, il prend les moyens de transport, il est assis et il regarde et il ne fait rien. Il prendrait had al-waqt. En même temps, tu peux regarder, tu vas pas fermer les yeux et tu occupes ton lisan bi dhikr. La yazal lisanuka ratban bi dhikrillah. Ça c'est un tawfiq azim min Allah. Lakin on oublie. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال: celui man nasita al-hadith bin nas. N'am. Fatuba liman wajada في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى أي الجنة. يوم القيامة il sera parmi les gagnants. Manhu, c'est qui là? On voudrait tous être cette personne. C'est qui? Celui qui fait beaucoup d'istighfar. Ahyanan, quand tu sors, tu vas faire tes courses sur le chemin, au lieu de ne rien dire ou penser à certaines choses inutiles, tu t'habitues. Astaghfirullah, astaghfirullah. Une haraka très très simple. Et min hikmatillahi azza wa jalla, anna dhikr, tu peux le faire et personne ne sait. C'est pour ça que ibadatu dhikr, en général, c'est une ibada que al-mukhlisin, ceux qui ont ikhlas qawi, qui font. C'est pas comme certaines adorations, madalan, aider, donner. Ba'danas, ils peuvent être beaucoup plus motivés. Il y en a, il y a shay min al-riya inda al-ba'd. Amma dhikr, il n'y a rien de tout cela. Tu marches, tu fais du dhikr, personne ne le sait. C'est baynak wa bayn Allah. Al-imam al-qayyim, rahimahullah, dans son livre Al-Wabil al-Sayyib, c'est un livre très très profitable sur le dhikr et sur Al-Dua. Il a cité dans un fasl, dans ce chapitre de ce livre, à peu près, il a cité que le dhikr, il y avait 100 fa'ida, il en a cité à peu près 80. Rahimahullah. 80 mérites sur le fait de faire du dhikr. Et Inch'Allah ta'ala, on essaiera de les lire un jour, ou de lire le livre Al-Wabil al-Sayyib. Il est très très profitable. Nas'alullah at-tawfiq. Lakin, on peut citer avant de terminer, il reste quelques minutes, certaines fawa'id. Qala, matalan, la neuvième, et je conseille à mes frères, khasatan ceux qui comprennent l'arabe, qui savent lire l'arabe, de revenir à hadha al-kitab. Il est très très simple, al-fasl, la 94e page de هذه النسخة الطيبة, et tu lis هذا الكلام. Il est très très simple. مثلاً التاسع قال الذكر, parmi les mérites de faire du dhikr, أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام. J'ai noté cette faïda. Pourquoi? Parce que c'est lié à ce qu'on vient de dire par rapport à المحبة. الذكر يورث المحبة التي هي روح الإسلام. Le fait de faire du dhikr, ça va augmenter cette mahabba dans le cœur. L'imam al-Aliyana, si t'évoques Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu l'aimes. Tu ne l'as pas oublié, comme certains, parce que tu l'aimes. قال وقطب راح الدين ومدار السعادة والنجاة. Donc, هذا الذكر, ça va te pousser à al-mahabba, et al-mahabba, c'est la base de l'islam. كذلك, c'est la source du bonheur et la source pour que tu sois sauvé ici-bas et dans l'au-delà. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا وَجَعَلَ السَّبَبَ الْمَحَبَّةَ دَوَامَ الذِّكْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que chaque chose a un sabab. Chaque chose a une cause. وَجَعَلَ السَّبَبَ الْمَحَبَّةَ دَوَامَ الذِّكْرِ. Tu veux acquérir cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est source de bonheur ici-bas et dans l'au-delà. كذلك الله تلفغ avec هذه المحبة. La cause, c'est de faire beaucoup de dhikr. Pas le dhikr avec la langue, faqat. Comme certains ignorants y font. Hatta, j'ai vu dans le dernier Jumu'ah, ou un des derniers Jumu'ah qu'on a fait, Al-Khatib yatakallam. Al-Khatib. Il faisait le khutbah de Jumu'ah. Alors que pendant le khutbah de Jumu'ah, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de remuer les mains sans aucune raison, tu n'as pas le droit de... Et Rajul, il faisait du dhikr avec ce qu'ils appellent le masbaha. C'est une bid'a, le chapelet. C'est une bid'a. Al-Asl, ça vient des chrétiens, des musulmans. Il n'a pas besoin de hada, il fait du dhikr. Comme il faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec ses doigts. Et Ndoru, il faisait du dhikr cette façon. Et il regardait Al-Khatib, qui faisait sa khutbah, je ne sais plus quel sujet. Et Hakada, avec ses doigts, il faisait tourner chaque perle et il faisait du dhikr. Est-ce que tu fais du dhikr ou t'écoutes le khatib ou comment tu fais pour tout faire en même temps? Ça nous montre que le dhikr, c'est pas le matelot. Ou là, on doit faire du dhikr sans faire de bid'a. On n'a pas besoin de chapelet ou autre, avec les doigts. Ou sans les doigts, tu fais du dhikr. Hakada. Et thaniyan, l'insan, il doit se concentrer. Mais al-ba'd, ils sont dans des assises. Et Rubama, vous avez déjà vu, j'ai cité l'exemple avec le khatib. Lakin al-ba'd, ils sont dans des assises. Ils parlent avec des gens et tu vois, il fait tourner les perles de al-tasbih, al-masbah. Ce qui aide, c'est de faire l'athkar المذكورة في السنة وكذلك في الكتاب فيها بركة faire du dhikr qui est cité dans le Coran et dans le Sunna كذلك faire des efforts pour comprendre هذه الأذكار ça veut dire quoi أستغفر الله ça veut dire quoi سبحان الله ça veut dire quoi لا حول ولا قوة إلا بالله هذا سعيد كثيرا قال فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره celui qui veut que Allah سبحانه وتعالى l'aime enfin, lui-même il doit aimer Allah سبحانه وتعالى et pour aimer Allah سبحانه وتعالى ou pour augmenter cette محبة fait beaucoup de dhikr قال فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم فالذكر باب المحبة comme pour ne pas oublier la science que tu apprends le Coran les hadith les cours tu dois faire ce qu'on appelle المذاكرة la révision حتى tu vas te rappeler de ces versets, de ces hadiths, ça va te faire réviser, etc. قال فالذكر باب المحبة. كذلك هذه المحبة elle a besoin d'une مراجعة. Elle a besoin d'une révision, elle a besoin d'être revivifiée tout le temps. Comment ? Avec الذكر. Avec l'évocation d'Allah, avec le rappel d'Allah عز وجل. كذلك قال رحمه الله, il a cité dans la 16e, أن الذكر يورث حياة القلب. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi des fois on oublie de faire du dhikr ? Parce qu'on est tombé dans l'insouciance. Amma celui qui a le cœur vivant, اسمع ماذا قال. سمعته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه يقول ابن القيم il a entendu son cheikh الإمام ابن تيمية dire الذكر للقلب مثل الماء للسمك. فكيف يكون حالة حال السمك إذا فرق الماء؟ Pour montrer le cœur vivant, pour le cœur vivant, الذكر c'est comme l'eau pour le poisson. Est-ce qu'un poisson il peut rester un long moment sans eau ? Abadan. Si tu le fais sortir de l'eau, il peut tenir quelques secondes, quelques minutes. Au bout d'un certain temps, il meurt. Hakada, le cœur pour qu'il reste en bonne santé, il faut hada dhikr. Qala rahimahullah, et on termine avec hada, la 72e faïda. أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس. كذلك si tu t'occupes avec الذكر بإذن الله عز وجل tu vas arrêter de dire du mal. قال لأن قال فإن اللسان لا يسكت البتة فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ ولا بد من أحدهما. Pourquoi? لأن اللسان لا يسكت اللسان لا يسكت البتة. Tu peux pas rester sans parler. Même si tu ne parles pas un court moment, tu parleras. لا بد هذا. إما tu parleras en bien. لسان ذاكر. إما مذاكرة بالعلم. إما دو الذكر. إما لكتور القرآن. إما النصيحة. إما أبر من معروف. etc. إما لسان لاغن. إما لسان qui dit des futilités encore plus graves du haram. بعض الناس ي ils évoquent Allah rarement et tu les trouves fi dhikri nas par rapport aux gens enfin c'est les premiers Fulan il a fait Fulan il veut faire mais pourquoi il a fait ça mais et il a akhir alors que personne lui a demandé son avis aslan et thanian parler en mal même si c'est la vérité alors que le frère ou la sœur ils sont pas présents c'est min al ghiba ça fait partie de la médisance fa hada la yajuz qala فهي النفس إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. هكذا. C'est ton nefs. Si tu l'occupes pas avec le khayr, dans notre exemple avec la langue, avec le dhikr, elle t'occupera avec le باطل. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والسلام والعافية ونسأله عز وجل أن يرزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته